Oh, I heard. Oh, j'ai entendu. I saw. J'ai vu. And yet Samuel. Et Samuel. Is lying inside here. Et il est en train de répandre ses idées. Next to the ark of the covenant of God. Juste à côté de l'arche de l'alliance de Dieu. This is a holy place. Ça c'est le lieu saint. This is where the church ought to worship now. C'est là où l'église devrait adorer maintenant. So the glory may fall. Afin que la gloire puisse tomber. So the voice of God may be heard. Afin que la voix de Dieu puisse être entendue. The fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. Must purify the church. Doit purifier l'église. So he can test them like silver, refine them like silver. Puis se raffiner comme l'argent. And test you like gold. Et vous tester, vous éprouver comme l'or. The golden wedding rings. Les anneaux en or. I think. Je pense. That was the most beautiful message. C'était le message le plus beau. That the Lord can ever give the church. Que le Seigneur peut se donner à l'église. Why am I saying so? Pourquoi dis-je cela? Because it is a lot of love. Parce que c'est beaucoup d'amour. Why am I saying so? Pourquoi je dis cela? Everybody focus on me. Tout le monde, attention sur moi. Why am I saying it's a lot of love? Pourquoi je dis que c'est une expression d'amour? From the Most High God. Venant du Dieu très haut. Now listen to this. Écoutez ceci. Revelation 16. Apocalypse 16. Verse 15. Verset 15. Revelation 16. Apocalypse 16. Verse 15. Verset 15. He says, behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him so that he may not go naked and be shamefully exposed. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. That means, cela veut dire, when it comes to the wedding of the Lamb of God, lorsque le mariage de l'agneau de Dieu arrive, behold, he comes like a thief. Voici, il vient comme un voleur. The Bible says, la Bible dit, in Matthew 24, Matthieu 24, verse 36 down, à partir du verset 36 et plus bas. No one knows the day or the hour. Personne ne connaît le jour ni l'heure. No one knows when he's coming for the church. Personne ne connaît quand il vient pour l'église. Even the Son of Man does not know. Même le Fils de l'homme ne le sait pas. But only the Father. Seul le Père. That means this conversation. Cela veut dire cette conversation is between the Father and the church. C'est entre le Père et l'église. He's telling the church. Il dit à l'église. Look at how much time I've taken. Regardez le temps que j'ai pris. To purify the wedding ring. Pour purifier les anneaux de mariage. He's asking the church. Il demande à l'église. Have you also taken your time? Avez-vous aussi pris votre temps? To purify the wedding gown? Pour purifier la robe de mariage? We live Christian life as usual. Nous vivons la vie chrétienne comme d'habitude. Very casual in Toronto. De manière très casuelle à Toronto. Modern life. Plus que la vie. Modern Christian. Les chrétiens modernes. And sin gets into the church. Et ils viennent dans l'église. And now. Et maintenant. The Lord has seen that. Le Seigneur a vu cela. And now he's saying. Et maintenant il dit. Just a moment. Un moment, s'il vous plaît. Have you taken your time to prepare for the wedding? Avez-vous pris le temps de vous préparer pour le mariage? Remember the reason you became a Christian. Souvenez-vous la raison pour laquelle vous êtes devenu chrétien. Is that you may enter into the kingdom of God. C'est pour entrer dans le royaume de Dieu. So it's very important. Alors c'est très important. That you prepare for the kingdom of God. Que vous prépariez pour le royaume de Dieu. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. There are 2 days. Il y a 2 jours. We are talking about the wedding of the Lamb of God. Nous parlons du mariage de l'agneau de Dieu. But there is also 7 years after the rapture. Et il y a aussi 7 ans après l'enlèvement. The second coming of the Lord. La seconde venue du Seigneur. That one is different. Cela est différent. After the wedding of the Lamb, you can know when that hallelujah, when après, that takes place. Après le mariage de l'agneau, vous saurez quand cela arrivera. Revelation chapter 1 verse 7. Apocalypse 1 verset 7. The day of the Lord. Le jour du Seigneur. He says, look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be, amen. Voici, il vient avec les nuées, tout œil verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. The wedding of the Lamb of God. Le mariage de l'agneau de Dieu. Comes like a thief. Vient comme un voleur. But the day of the Lord. Mais le jour du Seigneur. They will see him coming. Tout le monde le verra. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. For the Lord to share with the church. Pour que le Seigneur partage avec l'église. That look, the wedding rings are ready. Que les anneaux sont prêts. That means he has loved the church. Cela veut dire qu'il a aimé l'église. He does not want you to miss the wedding of the Lamb. Il veut pas que vous ratiez le mariage de l'agneau. What will you tell God? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? If I leave Canada. Si je quitte le Canada. And then you go back to life as usual. Et tu rentres à ta vie normale. And you miss the wedding of the Lamb. Et tu rates le mariage de l'agneau. I don't have time to explain to you. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. What the wedding of the Lamb looks like. À quoi ressemble le mariage de l'agneau? Oh, the Lord has revealed to me tremendous. Le Seigneur m'a révélé de grandes choses. In fact, the Lord, that was July 13th. C'était le 13 juillet. The year 2006. De l'année 2006. In fact, he showed me what the earth will look like after the wedding of the Lamb. Il m'a montré à quoi la terre ressemblerait après le mariage de l'agneau. And there was tremendous darkness. Et il y avait des ténèbres épais. I saw so much darkness on the earth. J'ai vu tellement de ténèbres sur la terre. At that time, I did not understand. À ce moment-là, je comprenais pas. So I woke up and I knelt down. Je suis réveillé, je me suis agenouillé. And I asked the Lord. J'ai demandé au Seigneur. Why so much darkness? Pourquoi tant de ténèbres? Why is it dark? There are no light. Pourquoi c'est noir? Il y a pas de lumière. And then I understood later. Alors j'ai compris après. That the church, l'église, is the light of the world. Et l'église est la lumière du monde. And when the church is taken away, lorsque l'église est enlevée, obscuridad, l'obscurité, light is not there anymore. La lumière n'est plus là-bas. Darkness colonizes the earth. Les ténèbres ont colonisé la terre. Let me share with you one little notch more. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose encore. Why is it? Pourquoi cela? That in that vision of God, dans cette vision, when the heavens opened, lorsque les cieux se sont ouverts, there was darkness. Il y avait les ténèbres. And then the glory began to come out. Alors la gloire commençait à sortir. And the glory covered the whole of that darkness until light started appearing up to the earth. Et la gloire a tellement envahi la terre que la lumière a envahi la terre. Listen to me. Écoutez-moi. God is saying to the church. Dieu dit à l'église. That when it comes to the wedding of the Lamb of God, lorsque le mariage de l'agneau de Dieu arrive, when it comes to the rapture of the church, lorsque l'enlèvement de l'église arrive, you cannot manage. Tu ne peux pas te débrouiller. You cannot manage by yourself. Tu ne peux pas te débrouiller tout seul. You will need the help of the Holy Spirit. Tu auras besoin de l'aide du Saint-Esprit. Because he says, car il dit, whoever looks at a woman and lusts at that woman. Tout celui qui regarde à la femme l'envie. He has fallen to sexual sin. Il est déjà tombé dans l'immoralité. The new law, la nouvelle loi, is a much higher law than the law of Moses. Est même plus élevé que la loi de Moïse. You cannot manage on your own. Tu ne peux pas te débrouiller tout seul. You need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. To fire you up. De t'enflammer. Burn the chaff. Pour brûler les pailles. Kill the flesh. Tuer les flèches. On the cross, sur la croix. You remember Jesus. Souvenez-vous de Jésus. In the garden of Gethsemane. Dans le jardin de Gethsemane. He said the flesh is weak. Il dit la chair est faible. But the spirit is willing. Mais l'esprit est prompt. And the spirit of the Lord. Et l'esprit du Seigneur. Took him to the cross. L'a mené à la croix. And crucified the flesh there. Et a crucifié la chair là-bas. He's saying even you the church. Il dit même vous l'église. You need to take the Holy Spirit of God. Vous devez prendre le Saint-Esprit de Dieu. So you may kill the flesh. Afin de tuer la chair. And the spiritual church. Et l'église spirituelle. Will be bathed out. Sera enlevée. Remember one thing. Souvenez-vous d'une chose. The wedding of the Lamb of God. Le mariage de l'agneau de Dieu. Is a spiritual wedding. C'est un mariage spirituel. Only a spiritual church. C'est pour l'église spirituelle. Will be able to enter with the Lord. Pourra entrer avec le Seigneur. But now, mais maintenant, the church is full of flesh. L'église est remplie de la chair. Oh, I feel, oh, I see. Je sens, je vois. The church goes by feelings right now. L'église marche par les sentiments maintenant. I don't feel good in that church. Je me sens pas bien dans cette église là. The pastor is very harsh against sin. Le pasteur, il est vraiment très dur avec le péché. He's telling us not to wear tight trousers. Il nous empêche de porter des pantalons serrants. He says that is immorality before God. Il nous dit que cela est l'immoralité devant Dieu. I don't lie, I don't feel my feelings. I don't feel well there. Je me sens pas bien dans mes sentiments là-bas. I am looking for a church. I just want to be happy in a church. Je cherche une église, je voudrais se mettre heureux dans l'église. That church, cette église, where you are happy like that, où tu es content comme cela, that church is in the flesh. Cette église est dans la chair. How can you a pastor? Comment un pasteur fail to rebuke sin? Peut avoir peur de réprimander le péché? Rebuke sexual sin. Réprimander les moralités sexuelles. When Toronto, quand Toronto is known world over, et tout dans le monde, it is known, est connu, reconnu dans le monde, world over, partout dans le monde, for homosexuality, pour l'homosexualité. If your pastor is a good shepherd, si votre pasteur est un bon berger, he will move you away from that disease. Il va vous éloigner de cette maladie. You say, hey, my sheep come this way, come this way. Il dit, hey, mes brebis, venez par ici. He will rebuke sexual sin. Il va réprimander l'impudicité. Rebuke sexual lust. Il va réprimander la convoitise. Rebuke immorality. Il va réprimander l'immoralité. That you may be purified. Afin que vous soyez purifiés. That you may enter the kingdom of God. Afin que vous entrez dans le royaume de Dieu. There is no other kingdom for the church. Il n'y a pas d'autre royaume pour l'église. Only the kingdom of God Almighty. Rien que l'église de Dieu Tout-Puissant. It is love. C'est l'amour. It is love. C'est l'amour. Even the ladies here. Même les sœurs ici. Don't feel bad. I am loving you. Je vous aime. Ne vous sentez pas mal. I don't come from Africa. Je ne viens pas de l'Afrique. You see, I did not come with a private jet. Vous ne savez pas, je ne viens pas avec un jet privé. I did not come with a private aeroplane. Je suis pas venu avec un avion privé. I came by walking my foot. I walk it. Je suis venu à pied. I can walk anywhere. Je peux marcher partout. I don't come to play games with you. Je ne viens pas pour faire des jeux avec vous. If I don't do it right, si je le fais pas correctement, he will remove me. Il va m'enlever. And send somebody else. Et il va envoyer quelqu'un d'autre. Until the church, jusqu'à ce que l'église, sees the kingdom of God, voit le royaume de Dieu. Time has come. Le temps est arrivé. For the church, pour l'église, to enter her heredity, de entrer dans l'hérédité, to enter her inheritance. De entrer dans l'héritage, to get her appanage, pour entrer dans ce qui nous appartient, to enter the kingdom of God Almighty, d'entrer dans le royaume du Dieu Tout-Puissant, and bye bye to sin, et au revoir péché, au revoir sin, au revoir péché, it is over with sin, c'est la fin pour le péché. Why am I saying so? Pourquoi je dis cela? Listen to this. Écoutez ceci. Hebrews chapter 12. Hébreux 12. We read this. Hebrews chapter 12, precious people. Hébreux 12, bien-aimés. Hebrews 12, real quick, I need to finish because time is out. I need to pray for people here. Je voudrais finir. Alleluia. Prier pour quelqu'un. But Hebrews chapter 12. Hébreux 12. Hein? Remember, this is the most important thing that ever happens to your life. Rappelez-vous, c'est la chose la plus importante qui peut arriver à votre vie. That you may enter into the kingdom of God. Puissiez entrer dans le royaume de Dieu. That finally from Africa he may send somebody. Que finalement de l'Afrique il puisse en venir envoyer quelqu'un. And said, the Lord has spoken with me, he's coming back, prepare. Et de dire, le Seigneur m'a dit de vous préparer car il revient bientôt. It is not cosmetic. Ce n'est pas de la cosmétique. It is not pampered, beautified. Ce n'est pas de la beauté ajoutée. It is the true gospel at Calvary. C'est le vrai gospel, évangile au calvaire. That is the gospel the church left out. C'est l'évangile que l'église a abandonné. When the church went into postmodernism. Lors, lorsque l'église est entrée dans le postmodernisme. But now the Lord is saying, maintenant l'Éternel dit, it is time to be purified. C'est le temps d'être purifié. Even the worship must be purified. Même l'adoration doit être purifiée. The most purified worship. L'adoration la plus purifiée. Is that which is in Isaiah 53? C'est celle qui est dans Ésaïe 53. Is that which was at Calvary? C'est celle qui est à au calvaire. Where the flesh was killed. Quand la chair était tuée. And he gave rise to such a fragrance. Et il a élevé un parfum si bon. That saturated the throne room of God Almighty. Qui a saturé le trône du Dieu Tout-Puissant. And he forgave the sins of all men. Et il a oublié le péché de tous les hommes. When Jesus went to the cross, lorsque Jésus est allé à la croix, he was showing us the way. Il nous montrait la voie. Even you, même vous, you must crucify the flesh. Vous devez crucifier la chair. Because time is over. Car le temps est passé. And I say this with a lot of love, precious people. Et je le dis avec beaucoup d'amour, bien-aimé. Because I don't have much time. Car je n'ai pas beaucoup de temps. I shared with you there's a lot of conversation I must download here. J'ai beaucoup de conversations que je dois partager ici. If I don't download it here, si je les partage pas ici, I have blood on my hand. J'aurai du sang dans mes mains. I have to tell you what God Almighty has said. Je dois vous dire ce que Dieu éternel m'a dit. I know in the past, je sais dans le passé, you may have lived on some rumors. Vous avez vécu sur des rumeurs. But the moment of truth has arrived. Mais le temps de la vérité est arrivé. And the truth will set the church free. Et la vérité va franchir l'église. She cannot go to the movies anymore. Elle peut plus aller au cinéma. She cannot lie anymore. Elle ne peut plus mentir. The white lies. Les mensonges blancs. She cannot go into witchcraft anymore. Elle ne peut plus aller à la magie. She cannot worship money anymore. Elle ne peut plus adorer l'argent. Immorality is out now. L'immoralité est dehors maintenant. She must go back to holiness. Elle doit rentrer à la sainteté. Hebrews 12. Hébreux 12. Verse 14. Verset 14. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. For without holiness, no one will see the Lord. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. He says, il dit, for without holiness, sans la sanctification, whether you dance like what here, que vous dansez comme le monde ici, whether you speak tongues here like what, que vous parlez les langues comme je ne sais quoi, whether you bring how much money here, que vous amenez autant d'argent que vous voulez ici, whether you serve in the church cleaning every day, que vous servez dans l'église en nettoyant tous les jours, it does not matter what you do, cela importe peu ce que vous faites. But without the holiness of the Lord, sans la sanctification du Seigneur, nobody will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. So it is important the church be purified now. Il est important que l'église soit purifiée maintenant. I am telling you, je vous dis, you have received messages. Vous avez reçu des messages. But this one here, celui-ci, is the most important message. C'est le plus important in the history of the church. Dans l'histoire de l'église. That you may prepare for the grand finale. Vous devez vous préparer pour la grande finale. That you may finally enter. Que vous puissiez finalement entrer. What is the point dancing so well? À quoi sert de bien danser ici? And fail to finish well. Et manquer de bien terminer. You must finish well now. Vous devez bien finir maintenant. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. There is something here. Il y a quelque chose ici. In that vision of the Lord. Dans cette vision de le Seigneur. The two wedding rings. Il y avait deux anneaux de mariage. If you put a mirror here. Si vous mettez un miroir ici. You see the other one here. Vous voyez l'autre là. They're very identical. Ils sont tellement identiques. They are sister rings. Ce sont des anneaux jumeaux. They are photocopy rings. Ce sont des anneaux photocopies. They are exactly similar. Ils sont similaires exactement. The perfection of God. C'est la perfection de Dieu. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? Listen to this. Écoutez maintenant. The message is this. Le message est le suivant. Christ the Messiah. Christ le Messie. The bridegroom, l'époux, he will wear one ring. Il va porter un anneau. And the church of Christ, et l'église de Christ, the holy church, l'église sainte, will wear the other ring. Va porter l'autre anneau. In the book of Second Corinthians, dans le livre de 2 Corinthiens, chapter 6, chapitre 6, verses 14 to 18. Au verset 14 et 18. I must stop this somebody. Je dois arrêter ceci quelqu'un. But I need to finish. I must stop this. Je dois m'arrêter. Because otherwise we cannot continue like this. So the book of Second Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. Listen to me. 2 Corinthians 6, 14 to 18. This is what he says. 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. 2 Corinthians 6, 14 to 18. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? And he continues by saying, oh, what fellowship can light have with darkness? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them. I'll be their God and they will be my people. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Do you see that? Voyez-vous cela? If the wedding rings are very similar, si les anneaux sont semblables, that means, cela veut dire, you must be in the likeness of Christ. Vous devez être à l'image de Christ. If Christ is holy, si Christ est saint, you must be holy. Vous devez être saint. Now listen to this. Écoutez maintenant. When he came, lorsqu'il est venu, baptized in the Jordan River, baptisé dans le rivière Jourdain, the Spirit of the Lord descended on him. L'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. He went into the wilderness. Il est entré dans le désert. Prayer and fasting. Priant et jeûnant. He was strengthened. Il était fortifié. He was strengthened. Il était fortifié. He was fortified. Il a rendu la force. When he came from there, lorsqu'il est sorti de là, the lion of the tribe of Judah, le lion de la tribu de Juda, he came for the enemy. Il est venu pour l'ennemi. And he conquered the enemy. Il a vaincu l'ennemi. And he did the wonders. Il a fait des merveilles. He performed his ministry. Il a fait son ministère. And then he was resurrected. Alors il a été ressuscité. Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. That means, cela veut dire, even you the church, vous l'église, you must enter the wilderness of repentance. Vous devez entrer dans le désert de la repentance. That is the revelation of John the Baptist. C'est ça la révélation de Jean-Baptiste. Speaking with me. Suivez avec moi. On the 2nd of April, oh, le 2 avril, 2004, 2004. In other words, he was telling me, go tell the church. En d'autres mots, il me disait, va dire à l'église. The time has come. Le temps est arrivé. For her to exit. Pour l'église de sortir. For her to leave now. De quitter maintenant. To leave the central business district. De quitter le centre des affaires. To leave the city centers. De quitter le centre de la ville. Of this world. De ce monde. Where there is so much pampering. Où il y a beaucoup de soins. Where there is postmodernism. Où il y a beaucoup de postmodernisme. And enter into the wilderness of repentance. Et d'entrer dans le désert de la repentance. Prayer and fasting. Priant et jeûnant. That you may be able to remove the flesh. Afin d'enlever la chair. And depend on the word. Et dépendre de la parole. That you may be tested. Afin que vous soyez éprouvé. And found to be like gold. Et trouvé pur comme de l'or. Listen to me somebody. Écoutez-moi quelqu'un. When the Magi came, the Magi. Lorsque les mages sont venus, when they came, when Jesus was born at Bethlehem, Jésus était né à Bethlehem, they presented gold before him. Ils ont présenté de l'or. They presented gold. Ils lui amenaient de l'or. In other words, they said, en d'autres mots, ils ont dit, you are the purity of God. Tu es la pureté de Dieu. You are the royalty of God. Tu es la royauté de Dieu. You, the kingdom belongs to you. Le royaume t'appartient. The power and the wealth belongs to you. La puissance et le royaume t'appartient. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. When he went to the wilderness, lorsqu'il est allé dans le désert, he was purified. Il était purifié. When the devil tempted him, lorsque le diable l'a tenté, he said, "It is written." Il a dit, il est écrit. It is written. Il est écrit. It is written. Il est écrit. Three times. Trois fois. God is telling the church. Dieu dit à l'église. Time has come. Le temps est arrivé. For you to go into the wilderness. D'aller dans le désert. Of repentance. De la repentance. Of prayer. De la prière. Of fasting. De la jeûne. So you may depend on the word. Afin de dépendre de la parole. So you may say it is written. Afin de dire il est écrit. So you may never be infants again. Afin que ne soyez plus les enfants. So you may mature up. Afin de grandir. Because he's coming for a mature church. Car il vient pour une église mature. So you may live the Book of James chapter 4. Afin de vivre le livre de Jacques 4. Verse 7. Verset 7. Resist the devil. Résistez au diable. And you flee away. Elle fuira loin de vous. The mature church. Une église mature. The mature church. Une église mature. Resist the devil. Résistez le diable. They don't cry every time. Ils ne pleurent pas tout moment. They know. Ils savent. That it is done. Cela est accompli. It is finished. C'est fini. At Calvary. Au calvaire. They don't take Jesus for the second time to the cross. Ils n'amènent pas Jésus deux fois à la croix. The mature church fears. L'église mature a peur de la croix. She fears the cross. Elle a peur la croix. Because the cross is about sacrifice. Car la croix c'est le sacrifice. The one and only sacrifice. Le seul et unique sacrifice. The ultimate sacrifice. Le sacrifice ultime. There is no other sacrifice. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. They know. Ils savent. That if you miss this. Que si tu rates ceci. There is no other atonement for sin. Il n'y a pas d'autre expiation de péché. That's why the mature church fears the cross. C'est pour ça l'église mature a peur du péché. She lives under the fear of God. Elle vit sous la peur de la crainte de Dieu. I don't want to go ahead of myself. Je ne voudrais pas aller au-devant de moi-même. Because that one comes into the vision of May 3rd, 2007. Car cela vient à la vision de 3 mai 2007. When I was in India. Quand j'étais en Inde. At 5:38 in the morning. À 5h38 le matin. When heaven opened. Lorsque les cieux se sont ouverts. In the midnight sky. Dans un ciel de nuit. And then he lowered the golden clock in the sky. Il a fait descendre l'horloge d'or des cieux. And when I looked at the minute hand. Lorsque j'ai vu à cette main là. And the hour hand. Et à l'heure et le branche de l'heure. I panicked in the vision. J'ai paniqué dans ma vision. Because it was 11:59 p.m. Car c'était 23h59. And I trembled, I panicked in the vision. J'ai paniqué, j'ai tremblé dans la vision. And I will let you know why God made me panic in that vision. Et je vais vous dire pourquoi Dieu m'a fait paniquer dans cette vision. How you can prepare for the midnight hour? Comment vous préparez pour l'heure de minuit? Time is over for the church. Le temps est fini pour l'église. The church must begin to prepare. L'église doit commencer à se préparer. It's already late. C'est déjà tard. But the church must prepare. Mais l'église doit se préparer. That she may enter. Qu'elle puisse entrer. And I will talk about the five wise virgins. Et je parlerai des cinq vierges sages. And the five foolish virgins. Et des cinq vierges folles. How they were waiting for the midnight hour. Comment ils attendaient l'heure de minuit. And I will talk about Israel in Egypt. Je parlerai de l'Israël et de l'Égypte. The holy communion you have here every day. La sainte communion que vous avez ici régulièrement. Why he told them. Pourquoi il leur a dit. When it comes to the midnight hour. Lorsque l'heure de minuit arrive. Hallelujah. Mm. The midnight hour. L'heure de minuit. He said. Il a dit. When it comes to the midnight hour. Lorsque l'heure de minuit arrive. You cannot eat bread with yeast. Tu ne peux pas écouper manger le pain avec le levure. Only bread without yeast. Seulement du pain sans levain. Purified bread. De pain purifié. Holy bread. Du pain sanctifié. Undefiled bread. Un pain sans the true word of God. La vraie parole de Dieu. We will come to that. Nous arriverons à cela. But here. Mais ici. You see very clearly. Vous voyez clairement. You must wear the righteousness of God. Vous devez porter la justice de Dieu. The two rings are similar. Les deux anneaux sont semblables. If Christ is the spirit-filled man, si Christ est l'homme rempli d'esprit, Isaiah 61, Esaïe 61, even Isaiah 41, et même Esaïe 41, even Matthew chapter 3, même Matthieu 3, after he was baptized, afin qu'il était baptisé, by John the Baptist, par Jean Baptiste, the one who talked with me on my right hand side, celui qui m'enseignait à la main droite, then the Spirit of the Lord, alors l'Esprit de Dieu, came down and lighted on him. Et il a été sur lui. And anointed him. Et l'a oint. Isaiah 61. Esaïe 61. He said, the Spirit of the Lord is upon me. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. To proclaim freedom for the captives. Pour déclarer la liberté pour les captifs. To set free the oppressed. Pour libérer les opprimés. To proclaim the year of the goodness of God. Pour proclamer the favor of God. Une année de bonté de l'Éternel. If Jesus of Nazareth. Si Jésus de Nazareth. Is the Spirit-filled man. Est l'homme rempli de l'Esprit. Then the church that waits the Lord, alors l'église qui attend le Seigneur, must be a spirit-filled church. Doit être une église remplie de l'Esprit. The two rings are similar. Les deux anneaux sont similaires. The same Holy Spirit, le même Saint-Esprit, who helped Jesus, qui a aidé Jésus, to do ministry, pour faire le ministère. The same Holy Spirit, le même Saint-Esprit, who helped Jesus, qui a aidé Jésus. To overcome the temptations of the world. À vaincre les tentations de ce monde. There was immorality. Il y avait l'immoralité. There was lies. Il y avait des mensonges. There was malice. Il y avait la malice. The Pharisees were giving cases against him. They were heaping lies on him. Les pharisiens étaient en train de monter des mensonges contre lui. They wanted to kill him. Ils voulaient le tuer. But the Holy Spirit helped him. Mais le Saint-Esprit l'a aidé. The same Holy Spirit. Le même Saint-Esprit. Took him to the cross. L'a amené sur la croix. The same Holy Spirit. Le même Saint-Esprit. He helped him from the dead. L'a aidé de la mort. And resurrected him. Et l'a ressuscité. The same Holy Spirit. Le même Saint-Esprit. When he resurrected. Lorsqu'il a ressuscité. And he walked with his disciples. Il marchait avec ses disciples. Behind the eastern gate of Jerusalem. Derrière les portes de l'est de Jérusalem. And they went to the eastern slopes of the Mount of Olives. Et ils sont allés du côté de l'est de la montagne des Oliviers. At a place called Bethany. À l'endroit appelé Bethany. And he lifted his hands like this to bless them. Il a levé les mains comme ceci pour les bénir. And heaven opened. Les cieux se sont ouverts. And a cloud raptured him into heaven. Et la nuit l'a emporté dans les the cieux. Same Holy Spirit, le même Saint-Esprit, is available to the church today. Est disponible pour l'église aujourd'hui. So there is no excuse, il n'y a pas d'excuse, for the church to be in sin, pour l'église d'être dans le péché. He is available, le Saint-Esprit est disponible. And then the Lord said, alors le Seigneur a dit, greater things than I, les grandes choses, shall you do, que plus que moi vous ferez. Because I go to the Father, car je vais au Père. And I sit on the right hand side, je serai assis à sa main droite. Interceding for you, intercédant pour vous. We cannot be in sin as a church. Nous ne pouvons pas être des pécheurs dans l'église. Let me share the last revelation, then I'm done. Laissez-moi partager la dernière révélation et puis j'ai fini. What was the meaning of the glory that came and colonized the sky? The dark sky became glorious. Quel est le sens de la gloire qui est venue et coloniser les cieux qui sont devenus glorieux? In other words, en d'autres mots, the Lord is saying, le Seigneur dit, from the wedding rings, à partir des anneaux de mariage, to the clock, jusqu'à l'horloge, all the way up to the temple of the Lord, jusqu'au temple de l'Éternel, 26th of March 2008 this year, au 26 mars 2008 de cette année, when heaven opened again, lorsque les cieux se sont ouverts encore, and I saw the glory, alors j'ai vu la gloire, and the glory unenveloped, et la gloire enveloppée, and unveiled the temple of God Almighty in heaven, et a dévoilé le temple de Dieu Tout-Puissant dans les cieux. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. In each and every single visitation, dans chaque visitation, talking about one thing, parle d'une chose, the wedding of the Lamb of God, le mariage de l'agneau de Dieu. It always begins by heaven open. Ça commence toujours par l'ouverture des cieux. That means, cela veut dire, we are living in Joel's dispensation now. Nous vivons dans la dispensation de Joël en ce moment. Joel promised, Joël a promis, in Joel chapter 2, en Joël 2, verses 28 to 32, versets 28 à 32, and in those days, et dans ces jours-là, afterward, après cela, I'll pour out my spirit, verserai mon esprit, on all men, sur toute chair, on your young ones, sur vos jeunes gens, they will see visions, ils auront des visions, the old ones will dream dreams, les vieux auront des rêves, even upon my servants, et même sur mes serviteurs, men and women, hommes et femmes, I will pour out my spirit, je verserai mon esprit, saith the Lord Almighty, dit l'Éternel. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. That dispensation, cette dispensation, is what the Lord was dramatizing. C'est ce que le Seigneur dramatisait. He said, "Go tell these people." Il dit, va dire à ces gens. Heaven is now open. Les cieux sont maintenant ouverts. They cannot enter without the help of the latter anointing. Ils ne peuvent pas entrer sans l'aide de l'onction de la dernière saison. Because the days will be more evil. Car les jours seront plus mauvais. The earth will be full of greater darkness. Les terres seront remplies de plus grandes ténèbres. In Matthew 24:36, Matthieu 24, 36 et plus loin. Like it was during the time of Noah. Comme c'était au temps de Noé. So will it be at the coming of the Son of Man. Ainsi sera à la venue de le Fils de l'homme. Many will be eating and drinking and marrying and getting married and merrymaking. Et beaucoup seront en train de se marier, en train de se réjouir et faisant toutes sortes de choses. And he says. Et il dit. Two men will be in the field. Deux hommes seront dans les champs. One will be taken. Un sera enlevé. The other one will be left. Et l'autre restera. Two women will be grinding on a grinding mill. Deux femmes seront en train de moudre le blé. My mother used to grind sorghum on the grinding mill. Ma mère avait l'habitude de moudre le soja. I remember we used to wait. Et nous devions attendre. Until she does that, then she cooks. Après qu'elle ait épuré cela, elle a préparé. Then we ate. Alors nous pourrons manger. But the Bible is talking about that woman in the Bible. He says, two women will be grinding on the mill. La Bible parle de deux femmes qui sont en train de moudre le blé. One will be taken. Une sera enlevée. The other will be left. Et l'autre restera. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. The days are evil. Les jours sont mauvais. That's why most countries. C'est pour ça la plupart des pays. Are removing God from the constitution. Ils sont en train d'enlever Dieu dans leur constitution. That's why most countries, c'est pour ça la plupart des pays, they rather protect homosexuals. Ils veulent protéger les homosexuels. But they cannot protect the church. Mais ils ne peuvent pas protéger les juifs. Days are evil. Les jours sont mauvais. And that's why you need the Holy Spirit. Et c'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. So you may be the light of the dark world. Afin que vous soyez la lumière du monde dans le ténèbre. But right now. Mais maintenant. The light you used to walk with. La lumière dont vous avez l'habitude d'utiliser. When you receive the Lord. Quand vous recevez le Seigneur. It cannot be enough for this midnight darkness. Ce n'est pas assez pour cette heure de minuit. This is called pitch darkness. Ça c'est l'heure de minuit la plus sombre. You know when it reaches 11 p.m. in the night. Vous savez lorsqu'il arrive à 23 heures. The darkness normally becomes very thick. Généralement les ténèbres deviennent très épais. And then when you enter the room. Alors quand vous entrez dans une pièce. They ask. Ils demandent. Is there no light here today? Il y a pas de lumière ici? They say no, but the light is there in the corner. Mais on dit la lumière est dans le coin. The lamp is there. La lampe est là dans le coin. That means you need to trim the lamp, the wigs. Cela veut dire que vous devez augmenter la mèche de la lampe. And pour some oil. Et mettre un peu plus d'huile. So you can have another level of light. Afin d'avoir une autre dimension de la lumière. Commensurate with the darkness of this dispensation. Cela commence avec les ténèbres de cette dispensation. Equal to the evil of this time. Cela est égal à la méchanceté de ce temps. Because the darkness of now. Parce que les ténèbres de maintenant. Will try to undermine the light. In the church. Vont essayer de couvrir la lumière dans l'église. Will try to make your lamps appear as if there is no light. Ils vont faire croire que vos lumières n'ont pas de lumière. Listen to me, precious people. Écoutez-moi bien aimé. I don't come to fool around with Canada. Je ne viens pas pour jouer avec le Canada. I come to tell you homosexuality is a sin. Je viens vous dire que l'homosexualité est un péché. I come to tell you immorality is a sin. Je viens vous dire que l'immoralité est un péché. I come to tell you stop and wake up. Arrêtez et réveillez-vous. I come to tell you, return to the Lord. Je viens vous dire, retournez au Seigneur. Let us repent and return to Jesus. Répentons-nous et retournons au Seigneur Jésus. Let the church begin repentance. Que l'église commence la repentance. Only repentance will return the church. Rien que la repentance va ramener l'église. There is no other gospel that will return the church to the Lord. Il n'y a aucun autre évangile qui va ramener le peuple à Dieu. Gospel of prosperity? L'évangile de la prospérité will not return the church to the Lord. Ne va pas ramener le peuple à Dieu. The gospel of I don't want to say of many things. Je voudrais pas le dire, l'évangile de plusieurs choses. They will not turn the church back to the Lord. Ne vont pas ramener les gens au Seigneur. But the gospel of the blood and the cross. Mais l'évangile de sang et de la croix. At Calvary. Au calvaire. That is what John the Baptist brought. C'est il parlait de son sang. When he appeared on my right hand side. Lorsqu'il est apparu à ma droite. And I have not shared, but we have published it. You can read it in the papers. We published it. Nous avons publié cela dans les journaux. That the church may grow. Afin que l'église grandisse. And you see the lamp came and the lamp had a lot of blood flowing. And all that I've not shared here today. L'agneau était venu avec beaucoup de sang. Je ne vais pas en parler ici aujourd'hui. In other words, he was telling me to tell the church. Il me disait de dire à l'église. Tell them to return to the blood of the Lamb of God. Dites-leur de retourner au sang de l'agneau de Dieu. They must only go back and preach the blood of the Lamb of God. Ils doivent rentrer et prêcher le sang de l'agneau de Dieu. They must only go back and cover themselves with the blood of Jesus. Ils doivent rentrer et se couvrir du sang de l'agneau de Jésus. Let them return to the cross. Laisse qu'ils rentrent à la croix. The gospel of the cross. L'évangile de la croix. The gospel of salvation. L'évangile du salut. That is what will redeem the church today. C'est ce qui va racheter l'église aujourd'hui. She is not looking well. Elle ne se porte pas bien. She don't look well. Elle ne se porte pas bien. And so that's why this is a mighty wake-up call. Et c'est pour ça que c'est un appel au réveil. He's saying, look. Il dit, regarde. The heavens are open. Les cieux sont ouverts. The Kenyans know this a little bit more deeper than you guys do. Les Kenyans le connaissent un peu plus que vous. The heavens are open. Les cieux se sont ouverts. Mighty, tremendous. Puissamment. In fact, I've seen the next meeting we are going to. Et en fait, j'ai vu la prochaine réunion que nous aurons. And it's tremendous. Elle était puissante. And at one word, à une parole, heaven opened. Les cieux se sont ouverts. We are living in the dispensation of open heavens. Nous vivons la dispensation de les cieux ouverts. Let us not miss this season. Ne ratons pas cette saison. I'm finishing with the last one. Somebody, last Jeremiah chapter 8. Je vais finir avec this ça. Is it. C'est la dernière. Jérémie 8. This is the last one. If I somebody hallelujah. Quelqu'un dit hallelujah. If I read anymore, come take the Bible or do something. Si je lis encore, prenez la Bible, quelque chose. I am blessed because we may leave Toronto. Je suis béni car nous pourrons quitter Toronto. And then you are on your own. Et alors vous serez tout seul. But pastor is coming to Kenya. We have invited him. Alors votre pasteur viendra au Kenya. On l'a invité. So he may catch the fire. Afin qu'il puisse avoir le feu. And light up this church. Et allumer cette église. That this church, cette église, may also see the fire of the Lord. Puisse voir le feu du Seigneur. Jeremiah chapter 8, verses 4 to 8. Jérémie 8, 4 à 8. Say to them, this is what the Lord says. When men fall, again, when men fall down, do they not get up? When a man turns away, does he not return? Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? He continues verse 5. Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? And he says, they cling to deceit, they refuse to return. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. I have listened attentively, but they do not say what is right. No one repents of his wickedness, saying, what have I done? Each one pursues his own course like a horse charging into battle. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Verse 7 is for you, Canada. Verset 7 est pour vous, Canada. This church, cette église in Canada. Au Canada. Even the stork in the sky knows her appointed season. The dove, the swift, and the thrush observe their time of migration. But my people do not know the requirements of the Lord. Même la cigogne connaît dans les cieux la sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Now listen to me, precious people. Écoutez-moi bien, bien aimé. He's saying even the birds in the sky. Il dit même les oiseaux dans les cieux. They know when the season, when now the winter, the autumn, when the summer is converting into autumn. Ils savent lorsque l'été se finit et l'automne arrive. You can see the leaves are becoming yellow and brown. Vous voyez les feuilles devenir jaunes et bruns. Even the birds can see that. Même les oiseaux peuvent le voir. And they know when the season has changed. Et ils savent lorsque la saison change. They say if we stay here we're going to die. Ils disent si on reste ici nous allons mourir. We must now return home. Nous devons rentrer à la maison. Go to the warmer parts of South America. Allons dans les lieux chauds de l'Amérique latine. Where the summer is beginning. Où l'été vient de commencer. If we stay here, we will die. Si nous restons ici, nous allons mourir. We will be obliterated. Nous serons oblitérés. We will be wiped out. Nous serons effacés. But the church. Mais l'église. How come? Comment? Yet you have the Holy Spirit. Bien que vous ayez le Saint-Esprit. You are supposed to be wiser than the birds. Vous deviez être plus sage que les oiseaux. How come? Comment cela? You cannot see. Vous ne pouvez pas voir. That the season has changed. Que la saison a changé. That the heavens are open. Que les cieux sont ouverts. The spirit is being poured. L'esprit a été versé. How come? Comment cela? You cannot see. Vous ne pouvez pas voir. That when you start receiving, quand vous commencez à recevoir, strange people from Africa, des gens bizarres venant de l'Afrique, saying John the Baptist has spoken with me, qui dit que Jean-Baptiste m'a parlé, about the coming of the Lamb of God, sur la venue de l'agneau de Dieu. How come? Comment cela? You can see that that means that the season must have change. Cela veut dire que la saison doit avoir changé. You cannot continue as usual. Vous ne pouvez pas continuer comme d'habitude. You cannot continue dancing here as usual. Vous ne pouvez pas continuer danser ici comme d'habitude. Tight mini skirts. Des jupes, des mini jupes très serrantes. Tight trousers. Des pantalons très serrants. Showing your anatomy. Qui démontre toute votre anatomie. Let me dress like this. Men in the church will like me today. Laissez-moi m'habiller comme ça dans l'église. Les hommes vont tomber, vont m'aimer. There is a man in the church always looking at me. Il y a un homme dans l'église qui me regarde toujours. Let me buy another red dress. Je vais acheter une autre robe rouge. How come? Comment cela? You cannot see. Tu peux pas voir. That the season has already changed. La saison a déjà changé. You cannot continue in that direction. Tu ne peux pas continuer dans cette direction. The winter will kill you. L'hiver va te tuer. You have to turn around. Tu dois tourner. And head this way now. Et rentrer de l'autre côté. And go back home. Rentrer à la maison. Go back to your creator. Rentrer à ton créateur. Go back to your father. Rentrer à ton père. Go back home to the kingdom of God. Rentrer au royaume de Dieu. How come? Comment cela? You cannot see. Vous pouvez pas voir. The time of preaching prosperity is over. Le temps de prêcher la prospérité est passé. Time. Le temps. For preaching the green card is over. De prêcher la carte de résidence est passé. Time. Le temps. For preaching about a new car is over. De prêcher des nouvelles voitures, c'est passé. Time has come. Le temps est arrivé. To return the sheep. De ramener les brebis. To return your families. De ramener vos familles. Back to the Lord. Vers le Seigneur. Everything else. Toutes choses. Everything else. Toutes choses. Will be added unto you. va être ajouté à cela. But now, mais maintenant, seek ye first the kingdom of God. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. And his righteousness. Et sa justice. And everything else. Et toute chose. Will be added unto you. Will be given to you. Time has changed. Le temps a changé. The season has changed. La saison a changé. You cannot continue as usual. Vous ne pouvez pas continuer comme d'habitude. Everybody stand up on your feet. Si on peut tous se lever sur nos jambes. We don't have a keyboard to touch anything. On n'a pas le clavier. Nobody touch, no keyboard, but that's all right. No, it's all working. Yes, amen, hallelujah. It's all working. Listen, it's not working, it's all right, okay? No, it's all working. Okay, that's all right. It's working, it's not working. It's not working. Oh, it's working, he says. Yeah, it's over there, thank you. Listen to me. Time is over. Le temps est fini. I don't come to play games with you. Je viens pas pour faire des jeux avec vous. The Father sent me here. Le Père m'a envoyé ici. That I may stir up the church. Que je puisse secouer l'église. Shake the church. Pour bouger l'église. That the church. L'église. May enter into the kingdom of God. Puisse entrer dans le royaume de Dieu. The church is so precious before Jehovah. L'église est tellement précieuse pour Jéhovah. He died on the cross. Il est mort sur la croix. He was humiliated. Il était humilié. In fact, they spat on his face. En fait, on lui a craché sur le visage. If you read the book of Psalm 22, si vous lisez Psaume 22, you will actually discover, vous allez découvrir, that Christ the Messiah, que Christ le Messie, the Jesus of Nazareth, Jésus de Nazareth, actually died, et en fait mort, died of a broken heart, d'un cœur brisé. He died more of a broken heart. Il est mort plus à cause d'un cœur brisé than the wounds. Que plus de les blessures. He loved the church so much. Il a tellement aimé l'église.